Ils font chier la guitare là. Il a combien là? C'est à combien ça? 96. En plus, mec, il met 96. Histoire de compliquer les choses. Pas 95, 94. Putain, il s'est cassé le mec. Allez, allez le batteur, putain. Ah non, mais là, il y a 100 trucs. Mais c'est toi qui as changé, putain. Putain, je l'ai pas vu. Allez, 100. Ah non, arrête. Non, je m'en fous. Mais bouge plus, bouge plus. 95, c'est bon. Bouge, touche à plus. Non, ça c'est pas un œuf. Parce qu'en fait, des fois ça. Voilà. Ouais, je suis sur le 9, donc c'est bon. We'll be right back. Putain, ça décolle l'ordinateur là. Il doit avoir chaud l'ordinateur. Ça craque de partout. Pourquoi j'entends la basse à droite? C'est normal, non? Je l'entends qu'à droite, la basse. Ah mais non, c'est moi. Putain, j'ai appuyé sur un bouton qu'il fallait pas. T'as pas le droit. Ah, c'est mieux, là. J'avais foutu toute la balance de la... de backtrack à droite. Mets ta réverb à fond là-dessus. Thank you. C'est EZ Drummer. C'est quoi? Garçon qui s'est décalé. La batterie. Ça a dû se décaler un peu. Thank you. cherche. Olivier, on cherche. Thank you. D'accord ? Alors attends, on va faire. Bon, on va faire. En 64, je crois, on a le droit. Essayez comme ça. Attention. Deuxième, ça fait ça. Après, ça fait... celui-là. donne 3 balles. 3, 4. Thank you. Thank you. On va y arriver. We'll be right back. Coucher.